Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1952, sur la chaîne nationale, fut diffusée une longue série, La croisière continentale ou Les États-Unis de long en large. Les usines Ford à Détroit, New York, la route américaine, le gigantisme américain, la psychologie américaine, une journée à Warren, une Française à Miami, les Français de San Francisco, les Mormons, Hollywood, etc. Mais aussi, et bien sûr, une visite à la ville qui, au milieu du 19e siècle, n'était pas une ville, mais un village agreste et bucolique, Chicago. Maintenant, de la viande, des céréales, des combattants français des deux guerres qui voulaient, depuis Chicago, aider au relèvement de la France. Voici le dernier regard sur Chicago. Première diffusion sur la chaîne nationale le 24 mars 1952 dans La croisière continentale ou Les États-Unis de long en large. Chicago par Samy Simon. La radiodiffusion française présente La croisière continentale ou Les États-Unis en long et en large. Une production du journal Parler par Samy Simon, Michel Droit et Serge Groussard. Ce soir, dernier regard sur Chicago par Samy Simon. Non, décidément, je ne peux pas me résoudre à poursuivre ma route aux États-Unis sans m'attarder encore un peu ce soir à Chicago. Je sais bien qu'on vous en a déjà parlé, Serge Groussard, Michel Droit et moi-même au cours d'une précédente émission, mais on croit avoir dit beaucoup de choses sur cette ville. Et puis quand on consulte ses notes, quand on plonge dans ses archives et surtout dans ses souvenirs, on s'aperçoit qu'on a fait qu'effleurer à peine le sujet et que des heures, des jours n'y suffiraient pas. Rassurez-vous, je ne vous demande qu'un sursis de 20 minutes et puis nous parlerons d'autre chose. Non, je ne dirai rien des gangsters, c'est un poncif un peu usé tout de même. Oh, ce n'est pas que je manquerai de matière, notez bien, et tenez, le jour de notre arrivée, les journaux les plus importants, comme le Chicago Daily News ou le Chicago Tribune, titraient sur 6 colonnes à la une, en lettres énormes, « Teens admit killing West Side Furrier », ce qui pourrait se traduire par « Les J3 avouent le meurtre du fourreur ». Et il s'agissait en effet du meurtre d'un fourreur du centre de la ville, abattu en plein jour par un gang de 5 mauvais garçons, dont l'aîné avait 17 ans et le plus jeune 14, et tous étudiants à la Crane Technical High School. Ces gangs d'adolescents ne sont d'ailleurs pas spéciaux à Chicago, et il n'est guère de ville où nous soyons passés et qui n'ait été la veille le théâtre de quelques hold-up, enlèvements ou règlements de compte, dont les héros le plus souvent étaient des gamins de 15 ans. La jeunesse délinquante est l'un des plus graves problèmes des États-Unis d'aujourd'hui, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous en parler plus longuement. Non, ce ne sont pas les histoires de gangsters qui m'ont le plus retenu à Chicago, ni même la visite de ces quartiers où l'on vous montre avec une espèce d'orgueil les émules de Jack Diamond ou d'Al Capone qui tiennent, et presque au grand jour, leurs assises et d'où ils font la nique à la police et aux juges, et où parfois même les font et les défont tout court. Tout cela, si je puis dire, appartient au domaine public. Et pour plus ample détail, je vous renvoie à la copieuse littérature et aux non moins nombreux films qui ont pour longtemps, je crois, épuisé le sujet. Ce qui m'a surpris davantage, c'est de découvrir, par exemple, que cette capitale du négoce et du crime, cette cité implacable des affaires et de l'argent, où l'on tue chaque jour aux abattoirs plus d'animaux qu'en aucun autre lieu de la Terre, est aussi la ville du monde où l'on compte le plus d'oiseaux. Quand j'y passais, c'était déjà l'époque des grandes migrations, et tout ce que le nord du continent, depuis l'Alaska jusqu'au Grand Lac, compte de gens ailés, venait de s'y poser avant de reprendre sa route vers le sud, c'est-à-dire vers la Louisiane, la Floride, le Mexique et même le lointain Brésil. Toute une immense population à bec et à plumes, tout un peuple d'ibis, de flamants roses, de grues, de pélicans, d'aigrettes, de canards sauvages, de ramiers, d'alouettes, de merles, de rossignols, même de cigognes, avait envahi les parcs et les jardins publics, s'était abattu sur les arbres des avenues, juché sur le mât des bateaux, sur le toit des gratte-ciels et sur les eaux du lac. Chicago, en quelques jours, était devenue une immense volière, et les journaux saluaient cet événement saisonnier en bonne place avec des titres à peine moins gros que ceux des crimes. C'est cela le côté fleur bleue de cette ville étrange, avec cette tendresse de ses habitants pour ces charmants petits écureuils qui circulent par centaines en liberté sur les pelouses, traversent les grandes avenues avec leurs grosses queues ébouriffées et qui viennent familièrement grignoter peanuts et noisettes dans le creux de votre main. Cependant qu'à deux pas, dans l'énorme building du Board of Trade, la Bourse du Commerce, le Temple des Temples, des hommes en proie à une espèce d'hystérie collective s'agitent convulsivement et hurlent des paroles incompréhensibles à l'intérieur d'une immense rotonde où se vend et s'achète en quelques heures de quoi nourrir en blé ou en maïs la population des États-Unis tout entière. Le plus grand marché au grain du monde. Vous avez en face de vous la corbeille des blés. À votre droite, celle du maïs. En face de vous, celle des soya. Et entre celle du maïs et celle des soya, celle du coton et de l'avoine. Tout à fait à votre gauche, vous avez une corbeille qui vend du seigle, où l'on vend et l'on achète du seigle. Et un peu plus loin à votre gauche, une corbeille où l'on vend et où l'on achète du saindoux. Le céréale qui se vend le plus, c'est le maïs. Il y a cette année une production de maïs supérieure à 3 milliards de boisseaux. Ensuite, ce sont les blés. Il y a cette année une production de blé équivalente à 1 milliard de boisseaux. Après cela, viennent les soya, le seigle, et les autres produits qui se vendent en quantité beaucoup moins importante. Le blé est plus actif à l'heure actuelle. Le maïs le sera davantage un peu plus tard, au moment de la production de la récolte du maïs. Et alors, l'importance de cette bourse, c'est bien qu'elle est colossale, mais par rapport au marché total des États-Unis, tout l'ensemble du pays. La bourse de Chicago fait 90% du chiffre d'affaires des bourses de blé des États-Unis. La bourse de Chicago traite une moyenne de 50 millions de boisseaux par jour, représentant 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Et alors, d'après vous, cet énorme marché représente un bon régulateur de l'économie agricole aux États-Unis ? Ce marché représente un régulateur admirable pour l'économie agricole aux États-Unis. Le fermier a constamment un marché liquide dans lequel il peut vendre quand il estime que le prix est suffisant ou il peut acheter s'il estime que les prix ont baissé trop bas. Oui, toute la place est laissée à son jugement et c'est là où se livre quelquefois une petite part de spéculation, bien entendu. Les spéculateurs eux-mêmes aident le fermier car ils contribuent à lui créer un marché toujours libre et toujours liquide. En tout cas, je vois que l'agriculture se porte bien à Chicago. Merci, monsieur Delarme. Mon interlocuteur et mon guide, monsieur Daniel Delattre, français d'origine, est président de l'association Les Camarades de Combat de Chicago, dont le président d'honneur est M. François Brière, le consul général de France. Association qui groupe, comme son nom l'indique, tous ceux qui ont combattu en France pendant les deux guerres, sous la bannière étoilée ou sous nos propres couleurs, comme il va d'ailleurs vous le dire lui-même. Et voilà pour répondre à ceux qui m'avaient mis en garde contre un certain aspect germanophile et quelque peu francophobe de Chicago. La Société des Camarades de Combat de Chicago a été fondée après la Première Guerre mondiale par des vétérans de cette guerre. Pendant de nombreuses années, les vétérans ont promené fièrement dans les rues de Chicago, à chaque fête américaine et à chaque fête française, le drapeau tricolore et le drapeau américain. Au début de la dernière guerre mondiale, tous les vétérans français de Chicago qui le pouvaient et qui étaient assez jeunes sont partis défendre la France, soit dans l'armée française, soit dans l'armée américaine. ceux qui sont restés à Chicago pendant la guerre se sont occupés de soulager la misère des prisonniers de guerre français en Allemagne, grâce à la générosité du colonel Nelson Morris, leur vice-président. Ils ont envoyé pendant toute la guerre de très nombreux colis qui ont été remis fidèlement par la Croix-Rouge aux prisonniers français en Allemagne. Ils ont également aidé les forces françaises libres en leur envoyant plusieurs millions de cigarettes et de nombreux dons et colis. La guerre terminée, les vétérans se sont retrouvés et ont décidé d'aider au relèvement de la France. Les vétérans de Chicago, les camarades de combat, ont pu faire une œuvre magnifique et soulager 45 000 Français, soit plus de 1 Français sur 1000. Le vice-président de la Société des camarades de combat de Chicago, auquel il vient d'être fait allusion, le colonel Nelson Morris, est l'une des personnalités les plus connues de Chicago. Son grand-père, qui fonda les abattoirs, appartenait à cette poignée d'hommes d'action qu'on appelle les Chicago Makers, et grâce à qui, ce qui n'était encore qu'un village il n'y a guère plus d'un siècle, est devenu la seconde ville des États-Unis. Marié à une Française, il n'a pas manqué depuis 50 ans de nous rendre visite chaque année. Et durant les années de guerre, il troquait tout simplement le costume civil pour l'uniforme et au lieu de traiter ses amis chez Maxime, il faisait le coup de feu dans la Somme ou à Verdun, voilà tout. Il y a gagné quelques rhumatismes et aussi la cravate de commandeur de la Légion d'honneur que M. Vincent Auriol lui remit en personne l'été dernier à l'Élysée, comme il se plaît à le rappeler lui-même. Mais ce qu'il ne vous dira pas, c'est qu'au lieu de collectionner, comme tant d'autres hommes riches des États-Unis, des Renoir ou des Picasso, il préfère soulager les misères. Et je crois bien qu'en signant des chèques à longueur d'année, pour les familles françaises éprouvées par la guerre, il a déjà largement dépassé de 1939 à ce jour la coquette somme d'un demi-million de dollars, c'est-à-dire pour près de 200 millions de nos francs. Écoutez-le évoquer un instant le vieux Chicago de ses ancêtres, le Chicago d'avant les gratte-ciel et les abattoirs, un Chicago agreste et bucolique qui fait rêver. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être très long en France, mais en Amérique, c'est assez long que ma grand-mère était née à Chicago il y a bien plus que 100 ans. À cette époque, je crois que Chicago avait 3000 gens, 3000 habitants. Mon grand-mère habitait où elle est actuellement, la Bourse de Commerce. Ah, ben je l'ai visité ce matin. C'est un joli petit immeuble, un petit bijou de 27 étages. Elle avait des poulets dans le jardin. Eh bien, ce Chicago de jadis, si surprenant que ça paraisse, on peut le voir encore aujourd'hui, miraculeusement conservé, avec ses rues aux pavés inégaux, ses petites maisons de briques, ses becs de gaz, ses fiacres, ses belles dames en capeline et en robe à tournure, ses messieurs en redingote et en chapeau claque, qui semblent échapper d'un roman de Dickens. C'est un spectacle étonnant dont je vous parlerai lundi prochain. Il y en a beaucoup d'autres encore à Chicago qui possèdent en particulier l'une des plus belles collections de chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture de tous les temps, dans son fameux Art Institute, et un musée historique où j'ai découvert une salle entièrement consacrée aux souvenirs de la guerre 14-18. Vieilles capotes, douilles d'obus, maquettes de Douaumont, hors du jour signées Joffre ou Foch, affiches de Poulbeau ou d'Abel Fèvre avec le coq gaulois et le fameux poilu. Et ce musée Grévin en miniature où toutes les dames de la haute société de Chicago, depuis la fondation de la ville, sont représentées dans leurs plus beaux atours, sous la forme de gentilles poupées de cire qui défilent lentement sur un plateau tournant, avec leurs noms, prénoms, pédigrés, et en gros chiffres les sommes dont elles firent don aux œuvres charitables de la ville. Et chacune dans le décor familier de sa maison reconstituée elle aussi. Et ainsi, de génération en génération, de la crinoline au dernier modèle de chez Fat, car les vivantes y ont droit aussi, c'est toute l'histoire de Chicago qui défile. Une histoire en velours, en brocart et en dentelle. Mais pour ceux qui rêvent d'évasion, il existe auprès du lac un curieux bâtiment que je n'ai vu nulle part ailleurs dans le monde. C'est le planétarium, où l'on peut suivre à l'intérieur d'une vaste sphère le mouvement des astres des planètes reproduit à une échelle infime et cependant exacte dans un raccourci saisissant. la Terre, globe minuscule, y décrit son ellipse autour d'un soleil lilliputien, tandis qu'Uranus et Neptune, Jupiter et Saturne, parmi des milliers d'autres, poursuivent dans une nuit constellée un fantastique ballet sidéral où la féerie le dispute à la science. Cependant qu'un guide astronome initie le profane au mystère de la gravitation et, en appuyant sur un jeu de boutons, déclenche pour lui les météores, fait jaillir les comètes, organise une éclipse, allume ou éteint à volonté des centaines de galaxies, commande à la Voie lactée et, d'un geste, dérange la scintillante et céleste ordonnance, nous vieillit tout à coup de quelques millions d'années ou, au contraire, nous projette en un clin d'œil dans un fantastique avenir. Perdu au centre de cet univers infini en réduction, j'ai rêvé longuement sous cet ersatz de voûte étoilée, à deux pas des burlesques, des cabarets, des palaces géants et de la foule innombrable. Cela aussi, c'est Chicago. Comme l'étaient également ces étranges personnages d'Apocalypse, revêtus d'une armure étincelante, la tête coiffée d'un casque d'acier, le visage couvert d'un masque en plastique et les yeux chaussés de lunettes énormes, et qui dansaient une sarabande de démons autour d'un cratère vomissant des gerbes de flammes verdâtres. C'était aux nouvelles usines Ford, dans l'atelier le plus vaste du monde, à la fonderie de magnésium, où 600 ouvriers, ils sont 20 000 à présent, fondaient les quelques 20 000 pièces qui entrent dans la composition des moteurs de 4 000 chevaux équipant les plus gros bombardiers à réaction du monde. Ces ateliers, repris sur le terrain d'anciennes usines désaffectées depuis la guerre, ont été construits en moins d'un an par plus de 30 000 ouvriers et la plupart des machines, des tours, des outils qui s'y trouvent ont dormi des années sous une épaisse couche de graisse. Comme les navires de guerre, les tanks et tant d'autres matériels de guerre, ils sont ce qu'on appelle les mothballs, les machines naphtalines, et travaillent maintenant nuit et jour pour les besoins de l'aviation militaire. De toutes mes visites d'usine, ce fut certainement la plus impressionnante que celle que je fis à ce creuset où, dans les vapeurs de soufre et les flammes, je pouvais contempler l'Amérique en tunique d'acier, forgeant sans une minute de répit ses nouvelles et terribles armes. Cette espèce d'atelier de Satan, c'est l'endroit où l'on coule le magnésium. Un magnésium presque pur, à 90%, mêlé d'un peu d'aluminium, et qui constituera le métal dont seront faits les moteurs à réaction qui sortent déjà de chez Ford. C'est une espèce de forge d'antre de Satan et de Vulcain, et devant moi, j'ai en ce moment les cuves où le magnésium est porté à son degré de fusion et mélangé à l'aluminium, puis d'où il sort pour aller remplir les moules qui sont fabriqués d'ailleurs dans le même atelier un peu plus loin que j'ai vu fabriquer tout à l'heure. Ces moules, devant moi, des hommes s'en approchent avec une espèce d'énorme pot d'abière et qui contient le métal en fusion. Ce métal, qui dégage une très forte chaleur, reçoit une ration de poudre de sodium qui est destinée à éviter les risques d'explosion. Une belle flamme verte et jaune jaillit sous mes yeux et le métal remplit le moule, rouge incandescent d'abord, puis il prend une belle teinte argentée. Quand chacun des moules est rempli, que le pot, l'énorme pot à bière est vide, le métal va se reposer pendant une demi-heure pour certains moules, trois quarts d'heure, une heure, deux heures, trois heures même, puis les moules seront cassés, broyés dans un appareil dont je vais me rapprocher, que vous commencez d'entendre, et qui, par ses vibrations, arrive à briser le moule, d'où sort la pièce qui sera ensuite travaillée, polie, finie et qui alors prendra sa place parmi les autres dans l'assemblage final. Si les nouvelles usines Ford sortent ainsi en série les moteurs de bombardiers atomiques, l'atome, lui, continue d'être l'objet de tous les soins d'une équipe de savants qui ne sont pas tous à Las Vegas ou à Los Alamos. On les trouve aussi et surtout dans les universités, et en particulier dans cette immense université de Chicago où vivent plus de 7000 élèves et qui, dès 1903, détenait un record avec 3 prix Nobel de physique et de chimie parmi ses professeurs. C'est d'ailleurs dans cette université, comme l'atteste une plaque apposée sur le mur d'un des laboratoires, que fut achevée le 2 décembre 1942 la première pile atomique et réalisé ainsi le contrôle de l'énergie nucléaire. Comme me le dit d'ailleurs mon interlocuteur, qui est le doyen des étudiants, c'est-à-dire quelque chose comme l'administrateur des services intérieurs de cette véritable petite ville, et aussi professeur de littérature française. L'université a fait beaucoup de travail sur la bombe atomique pendant la guerre. C'était un projet secret ici à l'université, mais je veux dire aussi qu'il y avait d'autres universités aux États-Unis qui ont participé dans ce grand projet. Mais à la fin de la guerre, il y avait tant de scientifiques éminents ici qui suivaient ce projet que l'université a décidé d'établir 3 instituts pour les recherches nucléaires. Les universités, comme vous voyez, jouent aux États-Unis un rôle considérable dans l'ordre des recherches atomiques. Et celle de Chicago y consacre chaque année à elle seule près de 700 millions de francs. Et un récent article de la Physical Review nous apprenait, en particulier, que le mois dernier, les physiciens de Berkeley à San Francisco venaient de réussir pour la première fois la transmutation du cuivre en zinc, voisin dans la classification atomique, en bombardant des particules du premier avec des noyaux d'hydrogène et d'hélium-4, ce qui d'ailleurs, ajoutait la revue, ne présentait qu'un intérêt purement scientifique et n'aurait pour longtemps encore, en raison du prix de revient astronomique, aucune possibilité d'application pratique. Mais, me direz-vous, et les étudiants dans tout cela? Rassurez-vous, ils s'occupent, eux, d'autre chose. Quand j'y passais, d'ailleurs, ils brillaient surtout par leur absence. C'était encore l'époque des vacances. Une autre fois, je vous parlerai plus longuement de la vie d'une grande université. À Chicago, l'immense cage était vide et je n'y ai trouvé que l'écho de leur chant. Le voici, en guise d'au revoir et pour vous faire patienter. Stand fast, Chicago will win. Stand fast, we'll never give in. Hold high the flag of maroon. Flag of maroon, oh flag of maroon. And we will fight on. Chicago will win. Fight on, we'll never give in. Hold high the flag of maroon, as high as the sun at noon. La radiodiffusion française vient de vous présenter Dernier regard sur Chicago par Samy Simon. Écoutez chaque lundi et mardi en soirée sur la chaîne nationale La croisière continentale ou les États-Unis en long et en large, par Samy Simon, Michel Droit et Serge Groussard. Baby, I'm booked, I gotta go. Fine, baby, I need all you want.